Dans cette situation, je suis ébloui par le soleil levant, mais en revanche, je suis très bien perçu par les usagers arrivant en sens inverse. Pour ma part, je ne vois que des ombres sur la route, et les conducteurs en face ne pensent pas que le soleil m'éblouit. En effet, je percevrais difficilement un piéton sur le bord de la route ou une voiture devant moi dont les feux rouges seraient éteints. Pour attirer l'attention des autres et pour les inciter à se montrer et être perçus de ceux qui me suivent, j'allume mes feux de croisement, donc mes feux rouges, par la même occasion. Réponse B.